On continue donc et ben cette fois d'avancer dans l'aspect française, avec tout d'abord The Great Procession, la récente formation post-metal, au sens large, hein, qui nous vient de l'est du pays. Par post-metal, on peut traduire ça par une recette qui mélange les influences post-hardcore sludge, avec des grosses sonorités indus et metal atmo, et un chant abrasif, menaçant, des parties vocales criardes et déchirées, un peu ce qu'on peut retrouver chez Amenra ou autres Neurosis, et Carcarias, ensuite les vétérans du death prog français, qui viennent tout juste de sortir leur sixième effort studio, actif depuis une trentaine d'années. Hein, la formation de Besançon a toujours son style très personnel, death prog légèrement mélodique, avec des sonorités un peu plus heavy. C'est travaillé, aéré, mais ça reste death metal. Donc voilà pour les présentations du nouvel effort studio de Carcarias. The Great Procession, Sylvan Cycle, extrait de l'album The Great Procession. Carcarias, ensuite une sortie Great Den Records, on s'écoutera le titre No After Mars, extrait de l'album Afterworld. C'est parti. Yeah! those who fall without doubt, down, eaten alive by our enemies. A last ten, a last glorious fight, the final test of our resolution. We'll have to hold and to prevail. Oh, it just be a glitch in evolution. We are the shield, the clouds and the ground meet. Peace is a delusion of the weak. Peace success is measured in spilled blood. War, no aftermath, there's only war. We are the shield, the clouds and the ground meet. Peace is a delusion of the weak. Peace success is measured in spilled blood. Doublette suivante, et sur ce coup-là, pas de nouveauté. On est toujours dans l'aspect française avec tout d'abord l'Omor. Alors là, c'est un peu de la triche, hein, on doit l'avouer. C'est une formation française, mais c'est toute la richesse et l'intérêt de l'émission. C'est une formation française qui nous vient de La Réunion, un peu comme Red Sphere qui nous vient de Nouvelle-Calédonie. Là voilà, c'est La Réunion qui est mise à l'honneur avec ce groupe de trash actif depuis 5 ans. On est sur du trash qui rigole pas, hein, du trash avec parfois des chants, des textes en français, pardon. C'est inspiré par les anglais de Evoil et Evoil et les vieux Metallica. C'est hyper incisif et tranchant, et voilà, même si ça réinvente rien, c'est pas forcément ce qu'on leur demande d'ailleurs, c'est vraiment super bien fait, et surtout fait avec les tripes. Ensuite, un autre groupe qui bosse avec les tripes, avec des icos issus de Civilian Thrower, Love Gun, Ordure, Ran, qui nous vient de la région lyonnaise, et qui nous propose du punk hardcore un peu sludgy, la Hesse. Le groupe nous sort un album 22 minutes, 12 titres, texte en français, c'est hyper expéditif, hein, y a pas le temps de prendre le temps, et ça s'écoute super bien. Voilà, les présentations sont faites pour l'Omor et la Hesse. Vicious Plane, Perseverance of Sickness pour le premier, Bête et Méchant, extrait de l'album Rue de l'œuvre pour le deuxième, et c'est parti. la doublette suivante, Inderwelt, enchaîné à Tension Prophecy, encore une doublette sans nouveauté. Ne vous effrayez pas, ne vous lassez pas, il y en aura d'autres d'ici la fin de l'émission. Inderwelt, tout d'abord, qui nous permet de clôturer l'aspect française, le groupe de également post-metal, post-hardcore, qui nous vient de Clermont-Ferrand, qui vient là de sortir son premier album, éponyme. Des compos plutôt courtes pour le style, hein, autour de 4 minutes. Pas le temps pour les longueurs, donc une recette assez lourde, atmosphérique, hein, qui n'est pas sans rappeler The Great Procession de tout à l'heure. Et cependant, là on est plus vraiment sur le post-hardcore des années 90, vraiment bien identifié chez Inderwelt. Et en doublette, nous aurons le groupe iranien Tension Prophecy, Dudes, qui vient de sortir son quatrième effort studio chez Amputated Vein Records. Le groupe est actif depuis une bonne quinzaine d'années. C'est le premier disque qu'ils sortent depuis 2015, un disque pareil, hein, dans les continuités du style, hein, 35 minutes pour 9 compos, un peu tech, un peu brutal, un peu groove moderne, parfois même limite djent, hein, les mecs rigolent zéro en termes de technicité, même des influences un peu ethniques et tribales, hein, parce qu'on a voilà, des sonorités vraiment typiques du Moyen-Orient. C'est plutôt intéressant, c'est hyper varié pour le style, ça peut être un peu déroutant parce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre tout ça dans du death, et pourtant la recette marche super bien. Inderwelt, le titre By Anxiety, extrait de l'album donc Inderwelt, Tension Prophecy, Last Breath Before Revived, extrait d'album Tribal Hatred, c'est plutôt clair dans le titre. Yeah. step behind you. Orders that we got looking for you. Why am I a craven? Just looking for getting sex out. Your trust is for shitting on me. Our counterage is for the pain. There's no hope to face the cure. I know it's for all complete. I don't need your patience. I don't want your fucking patience. I just want a transmutation to the dead for revenge. Step behind you. Orders that we got looking for you. Why am I a craven? Just looking for getting sex out. Why looking at me by the entrance? My ambition for this war goes on. Burning to shit. And no chance for the salon. Goes and strike it. Your soldier puts the gun to my head. And my brain and first lady are always so strong. Yeah, I'm nothing. Non, toujours pas de nouveauté dans la doublette à venir. Entropia, Strider, deux formations qu'on vous a déjà présentées la semaine dernière. Entropia, tout d'abord, une récente formation qui nous vient d'Arabie Saoudite. Hein, le groupe a vu le jour l'année dernière. On est sur du Melodeath, Melodoom même. Hein, on est sur quelque chose d'assez pessimiste et sombre comme musique. Ils sortent là leur tout premier EP. D'ailleurs, l'ambiance même tient dans le nom de cet EP. Et là, on est sur un morceau plus Melodeath que doomisant. Voilà pour le titre de Entropia qu'on s'écoutera dans une poignée d'instants. Hein. Et Strider juste après. Là, c'est toujours une. Enfin, c'est toujours. Non, c'est encore une formation qui nous vient de Turquie, basée à Ankara, active depuis un peu plus de 5 ans. Et là, on est sur une recette plutôt heavy psyché stoner rock. Ça permet de respirer un peu sur cette fin d'émission. C'est un peu rock groovy, fuzzy, presque desert rock dans le style. Hein. Plutôt mélodique et ça s'écoute vraiment très très bien ce que nous propose Strider. Entropia tout d'abord, Born Unknown, extrait de l'album Unable Scarred. Strider ensuite, Bystander Apathy, extrait de l'album Midnight Zen. Hop, c'est parti. We'll be right back. Avant-dernière doublette dans l'émission de ce soir, et là, réjouissez-vous, une nouveauté. Tout d'abord, Hoplitz, un one-man band qui nous vient de Chine, une formation récente, hein, on est sur un black tendance dissonante, avant-gardiste, c'est chiadé tout autant que c'est violent, pour trouver les inspirations de la scène islandaise, ou pour ce qu'on peut trouver en France, Plebeian Grandstand, Despel Omega. Une autre particularité de ce projet, tout est en grec, hein, jusqu'au nom qui fait référence à l'infanterie lourde de la Grèce antique. Voilà, les titres sont en grec, tout est en grec. Bon, nous on propose une traduction en anglais, hein, parce que c'est juste plus simple pour tout le monde. Et avec Hoplitz, on passe maintenant à la formation Brutal Tech Deck qui nous vient de Russie, Seven Edge Targets, Seven Human Targets, actif depuis une douzaine d'années. Le quatrième album studio vient de sortir, 10 ans après le précédent. Et voilà, entre-temps, il y a juste eu une démo EP et un passage du label Severed Record à Willowtip. C'est toujours aussi barré, notamment les lignes de basse. C'est vraiment brutal tech, sans que on s'ennuie. C'est démonstratif, mais pas pompeux. Voilà, c'est surtout hyper groovy et dévastateur. Et il y a même des petites sonorités orientales par-dessus. Enfin voilà, les mecs se font absolument plaisir dans Seven Human Targets. Hoplitz, tout d'abord le morceau Witness, extrait de l'album False. Seven Edge Target juste derrière, le morceau Agori, extrait de l'album Yantra Creating, une sortie Willowtip Records maintenant donc. We'll be right back. Et voilà, c'est déjà l'heure de la dernière doublette pour ce soir. Une doublette avec une nouveauté pour nous permettre de clôturer l'émission de ce soir. Tout d'abord, Kashk, groupe de trash qui nous vient d'Inde. Voilà, encore une diffusion pas banale. Le groupe est actif depuis 2015 et ils viennent tout récemment de sortir un premier EP. On est sur un trash plutôt agressif et même très incisif vocalement, d'inspiration des années 80. Et cependant, une prod plutôt moderne. C'est pas très neuf, le chant, quoique virulent, est un peu trop plat. Voilà, c'est classique, mais très bien fait. Et pour clôturer l'émission de ce soir, une toute dernière nouveauté, Fister Decays. On est sur du gorgrain japonais. Ça nous vient de Fukuoka, c'est l'île la plus méridionale du Japon. Le groupe est actif depuis un peu plus de 6 ans. Et ils viennent de sortir leur tout premier album longue durée, après une série de démo split, voilà, propre au genre. C'est gras, c'est groovy, ça bave de partout, et c'est un peu plus long que ce à quoi on pourrait s'attendre dans du gorgrain. Ça nous fait une trentaine de minutes, 14 titres, donc on est vraiment dans la veine gorgrain des premiers carcasses, et ça va aussi chercher du côté de Dead Infection et autres pharmachistes, voilà pour Fester Decay, et le label qui nous sort ça n'est pas du tout inconnu, puisque c'est une excellente sortie, une fois de plus, Everlasting Pure Records. Kashk tout d'abord avec le titre Death to the Crude, extrait de l'EP Deal with the Devil. Bon, là aussi on est sur quelque chose de très classique. Fister Decays, ensuite Carcasses Revenge, extrait de l'album Reality Return to the Core. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous, et rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission. Ciao ciao.